Astro H. Sous ce nom qui évoque un dessin animé japonais se cache l'un des plus beaux outils des astrophysiciens. Astro H est un télescope spatial de nouvelle génération, spécialisé dans l'observation des rayons X. Il va compléter, voire supplanter dès l'année prochaine, les trois principaux télescopes à rayons X en activité, que sont les américains Chandra et NuSTAR, et l'européen XMM Newton. Astro H est un télescope japonais, mais pas que. Pour mener à bien un tel projet, c'est une vaste collaboration qui s'est mise en place avec des Européens et des Américains. L'astronomie en rayon X est très riche, car elle adresse des phénomènes parmi les plus mystérieux, à commencer par ce qui se passe au cœur des galaxies, autour des trous noirs. Il permettra aussi de suivre de nombreux autres phénomènes comme le grossissement des grandes structures cosmiques, le comportement de la matière en présence de champs gravitationnels extrêmes, étudier l'équation d'état de la matière formant les étoiles à neutrons, ou encore traquer les structures qui accélèrent les particules dans des amas de galaxies ou des résidus de supernova. Astro H étudiera également finement la physique des jets de matière par les trous noirs, et indirectement pourra donner des indices sur la présence de matière noire, dans le cas où celle-ci peut produire des rayons X par décroissance ou annihilation. Plus précisément, les trois objectifs ambitieux que se sont fixés les astrophysiciens japonais et leurs collègues sont les suivants. Premièrement, révéler la structure à grande échelle de l'univers et son évolution. Alors pour cela, Astro H devra observer des amas de galaxies pour mesurer les relations existant entre l'énergie thermique du milieu intergalactique et l'énergie cinétique des sous-amas à partir desquels se forment les amas, ainsi que mesurer leur énergie non thermique et leur composition chimique. Astro H pourra également, dans cet objectif, tracer directement l'évolution dynamique d'amas de galaxies. L'autre type d'observation liée à cet objectif est l'observation de trous noirs supermassifs distants qui sont cachés par d'épaisses couches de matière pour en déterminer l'évolution et comprendre le rôle qu'ils jouent dans la formation des galaxies. La sensibilité de Astro H dans ce type d'observation sera 100 fois supérieure à celle de son prédécesseur japonais Suzaku. Le deuxième objectif est de comprendre les conditions extrêmes de l'univers. Alors pour cela, Astro H mesurera la vitesse de la matière située à très grande proximité des trous noirs, les disques d'accrétion, de manière à détecter la distorsion de l'espace-temps induite par le champ gravitationnel, et ainsi tester la relativité générale en conditions extrêmes, ainsi que la physique de l'accrétion. Enfin, le troisième objectif ambitieux est d'explorer les divers phénomènes de l'univers, ce qu'on appelle l'univers non thermique, ou violent. Astro H, pour cela, permettra d'explorer les zones où les particules du rayonnement cosmique de haute énergie acquièrent leur énergie en essayant de déterminer qui, de la gravité, des collisions de particules ou des explosions d'étoiles en sont responsables. L'astrophysique en rayon X est si cruciale à bien maîtriser que 4 télescopes dédiés ne seront pas de trop. Hein. Et d'ailleurs, on devrait presque dire 7 télescopes. Car Astro H peut être vu comme un observatoire contenant 4 télescopes différents, rien que ça. Et Astro H va innover en ouvrant une nouvelle fenêtre de longueur d'onde encore jamais explorée auparavant. Alors voyons un peu plus en détail ces beaux joujoux qui seront mis en orbite dans quelques mois. La date de lancement n'est pas encore fixée précisément. Il aura une durée minimale de 3 ans, en espérant bien plus évidemment. Astro H est tout d'abord muni de 2 télescopes pour les rayons X durs, c'est-à-dire ayant une énergie comprise entre 5 keV et 100 keV. Ils s'appellent HXT1 et HXT2, pour Hard X-ray Telescopes. Tous les deux munis d'un imageur nommé HXI, I pour imageur. Concernant les rayons X mous, c'est-à-dire entre 0,3 keV et 10 keV, ils seront capturés par les télescopes SXTI, un télescope imageur, et SXTS, un télescope spectromètre, ainsi que par un autre imageur spécifique, le SXI, et d'un microcalorimètre, le SXS, qui permettra pour la première fois de produire une spectroscopie à haute résolution en énergie et en localisation grâce à l'utilisation de détecteurs cryogéniques, refroidis à très basse température. Mais ce n'est pas tout, car les Japonais ont également ajouté sur AstroH un détecteur de rayons gamma de faible énergie, qui s'appelle SGD, Soft Gamma Ray Detector, qui détectera des rayons gamma ayant une énergie comprise entre 30 keV et 600 keV. Ainsi, avec tous ces instruments, AstroH pourra explorer le ciel entre 0,3 keV et 600 keV. L'une des grandes avancées dans les performances prévues est la résolution en énergie des photons détectés, qui devrait atteindre seulement 7 électronvolts sur la gamme 0,3 à 12 keV. C'est simplement exceptionnel. L'autre innovation importante qui est apportée sur ce télescope de nouvelle génération est que pour la première fois, on utilisera une optique de focalisation pour les rayons X durs de plusieurs dizaines de keV. Alors, c'est très difficile de focaliser des photons aussi énergétiques, qui ont plus tendance à traverser la matière qu'à se réfléchir. Mais des astuces technologiques permettent désormais de repousser les limites. Cela impose une distance focale considérable, en revanche. Pour la partie X dure, donc les HXT, elle sera de 12 mètres, contre seulement 5,6 mètres pour les SXT. Une fois entièrement déployé, le télescope aura ainsi une silhouette oblongue d'une longueur totale de 14 mètres. Une fois en orbite à 550 km au-dessus de nos têtes, après une période d'un an qui sera réservée exclusivement aux astrophysiciens japonais, le télescope sera mis à disposition de la communauté scientifique pour 75% de son temps. Il est fort à parier que le calendrier des créneaux d'observation est déjà rempli depuis bien bien longtemps. On retrouve une description complète de la science envisagée avec AstroH ainsi que la description des instruments de mesure de ce merveilleux télescope dans un article paru sur le site de Preprint Archive dont je mets le lien en bas de ce post. L'article s'appelle The AstroH X-ray Astronomy Satellite, tout simplement.